Quel cirque? Cirque en route, drôle de troupe. Les clowns flagada, tralala, tacapa. Les acrobates, l'étourdi attendri et sifflapi vitoli. Le jongleur Amadou tralalou. Les chanteurs calembour et si lourds et bégueule se les veulent. Les funambules dudule, ondule, déambule et théodule. Les cuillères fées du tulle, les chats concis il y a bulle, tralalère le trop vert, la ni en ni deux. Le koala miteux, le dompteur au liqueur obséquieux, le costumier sombrero, le docteur oh là là tout ça, le cuistot bègue cécé carapaté, le cochon tartempion et fanchon dégueulera bleu. Ménagerie? Interdit, ni lion ni marsouin. Mais personne ne vient virer les musiciens. Cirque en doute, la déroute, qu'aucun ne sort, peste alors. Nouvelle affiche et numéro. Chamallow et trémolo, le gros costaud et son pipeau, le chien contor candor, Dudule la tarentule, Falza en pétard le cafard, Salazar le lézard, Bravache et sa cravache. Astrid perfide qui déride, le clown triste, c'est malin, ni sans fin le pantin et Séraphin le magicien. Enfin, enfin! Mais rien, personne ne vient. À quoi cela tient? Du cirque classique, bernique, maudite bourrique. C'est la fin, tiens! Bien malin dira qui quoi pour demain. Clarissandre.